Le masque par Anton Tchekhov. Dans la salle du club de la ville de X, on donnait un grand bal masqué dans un but de bienfaisance. Il était minuit. Les personnes non masquées, qui ne prenaient pas part aux danses, elles étaient cinq, s'étaient installées autour de la grande table du salon de lecture. Le nez et la barbe enfouis dans les journaux, elles lisaient, sommeillaient, ou encore, selon l'expression du journaliste du pays, qui était en même temps correspondante à des journaux de la capitale et passait pour avoir des idées très libérales, elle philosophait. Les sons d'un quadrille en vogue se faisaient entendre de la salle de danse. Les garçons de service allaient et venaient devant la porte avec un bruit de pieds et de vaisselle, mais au salon de lecture régnait un silence profond. « Je crois que nous serons mieux ici », dit tout à coup une voix de basse un peu étouffée qui semblait sortir du poêle. « Dis donc, les enfants, entrons par ici. » La porte du salon s'ouvre pour laisser passer un homme de haute taille et de robuste apparence, en costume de cocher, avec un chapeau garni de plumes de paon. Il est suivi de deux dames, masquées également, et d'un garçon qui porte un plateau sur lequel se trouve une grosse bouteille de liqueur, trois bouteilles de vin rouge et quelques verres. « Par ici, nous y aurons plus frais, » dit l'homme. « Mets le plateau sur la table. Asseyez-vous, mademoiselle. » « Je vous prie, à la Trimontrant. Et vous, messieurs, vous allez un peu vous pousser. Allez, dépêchez-vous. » L'homme fait un pas en chancelant et jette quelques journaux à terre pour débarrasser la table. « Pousse cela. Et vous, messieurs les lecteurs, poussez-vous. Ce n'est pas le moment de s'occuper de journaux et de politique maintenant. Laissez ça. » « Je vous prierai de vous tenir un peu tranquille, » dit un des lecteurs en regardant le masque à travers ses lunettes. « Vous êtes ici dans un salon de lecture et non au buffet. » Ce n'est pas ici la place pour boire. Pourquoi pas à la place? Est-ce que, par hasard, la table ne serait pas assez solide ou bien le plafond pourrait s'écrouler sur ma tête? Quelle drôle de chose vous me dites là. Eh, mais je n'ai pas à perdre mon temps avec vous. Laissez là vos journaux. Vous avez déjà un peu lu, et assez maintenant. Vous avez déjà trop d'esprit et vous allez vous abîmer les yeux. Enfin, l'essentiel c'est que je ne veux pas, et voilà tout. Le garçon posa le plateau sur la table et se plaça à la porte, la serviette sur le bras. Les dames se mirent aussitôt à boire le vin rouge. « Et comment se fait-il seulement qu'il y ait des hommes qui préfèrent les journaux à ces boissons ?» commença l'homme aux plumes de paon se versant de la liqueur. « Et moi, messieurs, je crois bien que vous aimez tant les journaux pour la bonne raison que vous n'avez pas de quoi boire. N'est-ce pas vrai, ça ? Oh, oh, ils lisent, eh bien. De quoi est-ce qu'on parle là-dedans ? Dites donc, vous, là-bas, le monsieur Lunette, racontez-moi ce que vous lisez. Oh, oh, allons, laisse ça. » « Ne fais pas tant d'embarras, tu ferais mieux de boire. » L'homme aux plumes de paon se lève et arrache le journal des mains du monsieur aux lunettes. Celui-ci pâlit, puis rougit, et regarde avec étonnement les autres lecteurs qui le regardent aussi. « Vous vous oubliez, monsieur, » s'écria-t-il en colère. « Vous transformez un salon de lecture en cabaret. Vous dépassez les limites de la décence. Vous vous permettez d'arracher les journaux des mains? Je ne supporterai point cela. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Je suis le directeur de la banque Gestiakov. Je m'en fiche pas mal, moi, de ce que tu as, Gestiakov. Tiens, voilà le cas que je fais de ton journal. L'homme leva le journal au-dessus de sa tête et le déchira en morceaux. Mais enfin, messieurs, qu'est-ce que c'est ? Balbutia Gestiakov, stupéfié. C'est assez étrange, c'est même extraordinaire. Il se fâche, dit l'homme en riant. Sacristi, comme vous me faites peur, je tremble de tous mes membres. Mais très honoré, messieurs, « voici ce que je m'en vais vous dire. Mettons toute plaisanterie à part, car vous savez, je n'ai pas envie de discuter avec vous, attendu que je vais rester ici tout seul, avec ces mamselles, pour y prendre du plaisir à mon aise. Je vous prie tous de sortir sans contradiction. Toi, monsieur Balabouchine, va-t'en au diable. Qu'est-ce que tu as à faire la grimace? Je te dis de sortir, donc il faut sortir. Et un peu plus vite, tu sais, sans quoi il se pourra bien que tu reçoives une bonne calotte. Mais qu'est-ce que cela veut dire enfin ?» demande le trésorier Balabouchine stupéfait, devenu tout cramoisi de colère. « Je ne comprends même pas. Cette espèce d'effronté entre ici et se permet des choses semblables. Qu'est-ce que c'est que ce mot effronté ? » s'écrie l'homme aux plumes de paon, en colère et frappant du poing sur la table, de sorte que les verres se mirent à sauter sur le plateau sous l'effet du choc. « À qui le dis-tu ? Tu penses peut-être que du moment où je suis en masque, tu peux me dire tout ce que tu veux. Espèce de mufle, va. Sors, puisque je te le dis. Et toi, là-bas ? « Monsieur le directeur de la banque, fiche-moi le camp à l'amiable. Débarrassez-moi tous le plancher, qu'il ne reste plus ici une seule canaille. Allez-vous-en à tous les diables !» Attendez un peu, nous allons boire tout à l'heure, dit Gestiakov, dont la surexcitation avait jusque fait ternir les lunettes. Je vous ferai entendre en raison, moi. Eh, dis donc, toi là-bas, appelle-moi un peu le doyen qui est de service aujourd'hui. Une minute après, le doyen parut. C'était un petit homme roux, essoufflé par la danse, avec un ruban bleu sur le revers de sa redingote. « Je vous prie de sortir, » dit-il. « Ce n'est pas ici un endroit pour boire. Veuillez aller au buffet. »« Tiens, d'où sors-tu, toi ?» dit l'homme masqué. « Est-ce que je t'ai appelé ?»« Je vous prie de ne pas me tutoyer. Sortez. » !»« Voici ce que je m'en vais te dire, mon petit. Je te donne une minute de temps. Comme tu es le chef ici, et par conséquent le principal personnage, prends-moi tous ces artistes par la main et fais-les sortir tous. Mlle n'aime pas qu'il y ait des étrangers. Elle se gêne, et moi je veux, pour mon argent, les voir à l'état naturel. Cet entêté ne veut probablement pas comprendre qu'il n'est pas ici dans une étable, s'écria Gestiakov. Qu'on m'appelle Evstrat Spiridonitch. Et les cris de Evstrat Spiridonitch, Evstrat Spiridonitch ou Evstrat Spiridonitch retentirent par tout le club. Evstrat Spiridonitch, un vieillard en habit de policier, ne tarda pas à venir. « Je vous prie de sortir d'ici, » prononça-t-il d'une voix enrouillée en écarquillant ses yeux terribles et faisant remuer ses moustaches astiquées. « Ciel, c'est qu'il m'a fait peur, vous savez !» dit l'homme aux plumes de paon en éclatant de rire. « Parole d'honneur ! Et dire qu'il y a de ses époux en taille ! Mon Dieu Seigneur, des moustaches raides comme celles d'un chat, des yeux écarquillés !» « Je vous prie de ne pas discuter !» s'écria Evstrat Spiridonitch de toutes ses forces, de sorte qu'il se mit à trembler. « Sors d'ici, je vais te faire sortir !» Un grand vacarme, dont on a peine à se faire une idée, se fit alors dans le salon de lecture. Evstrat Spiridonitch, rouge comme un coq, crie et tape des pieds. Gestiakov crie, Balabushin crie, tous les lecteurs crient, mais leurs voix sont couvertes par la grosse basse étouffée de l'homme masqué. Grâce à ce désarroi général, les danses ont cessé, et tout le public a passé de la salle de bal au salon de lecture. Pour donner plus de sérieux à l'affaire, Evstrat Spiridonitch a encore fait appeler tous les employés de police qui se trouvaient au club et se mit à écrire le rapport. « Écris, écris !» dit le masque en lui mettant le doigt sous la plume. « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant, pauvre malheureux que je suis ? Pauvre de moi ! Pourquoi voulez-vous me perdre ainsi, un pauvre misérable comme moi ? « Eh bien, il est fini le rapport. Tout le monde a signé. Eh bien, regardez maintenant. 1, 2, 3. » L'homme se lève, se dresse dans toute sa hauteur et arrache le masque de son visage. Après avoir découvert un visage rougi par l'effet du vin, jeté un regard sur tout le monde qui l'entourait et joui de l'effet qu'il a produit, il tombe dans un fauteuil et éclate de rire. Et cet effet est véritablement extraordinaire. Les lecteurs s'entrent en regard éperdu et pâlissent. D'autres se grattent la nuque. Evstrat Spiridonitch fait entendre un cri rauque, comme un homme qui vient de faire une grosse sottise à son insu. Tout le monde reconnut dans ce turbulent le fabricant millionnaire de la ville, le citoyen honorable, Piatigorov, célèbre par ses scandales, sa bienfaisance et son amour pour la civilisation, comme s'était plus d'une fois exprimé le journal du pays. « Eh bien !» « Sortirez-vous maintenant ou ne sortirez-vous pas ?» demanda Piatigorov après un moment de silence. Tous les lecteurs quittèrent le salon de lecture sur la pointe des pieds sans souffler mot, et Piatigorov referma la porte derrière eux. « Mais tu savais bien, toi, que c'était Piatigorov ?» dit Evstrat Spiridonitch, de sa voix enrouée en bousculant le garçon qui avait apporté le vin. « Pourquoi n'en as-tu rien dit ?»« Il m'était défendu de le dire. »« Défendu de le dire ?» Quand je t'aurai enfermé pour un mois, espèce de coquin, tu sauras ce que c'est défendu de le dire. Hors d'ici! Et vous, messieurs, dit-il, s'adressant au lecteur, vous avez soulevé toute une émeute, comme si vous n'auriez pas pu un peu sortir du salon pour 10 minutes. Eh bien, récoltez maintenant ce que vous avez semé. Ah, messieurs, messieurs, vrai, je n'aime pas ces histoires-là. Les lecteurs allaient venaient dans les salles du club avec des figures tristes et abattues, comme des coupables, et se parlaient à voix basse, comme s'ils pressentaient quelque malheur. Quand leurs femmes et leurs filles eurent appris que Piatigorov avait été offensé, elles cessèrent de s'amuser, et bientôt l'on commença à se séparer pour rentrer. On cessa de danser. À 2 heures du matin, Piatigorov sortit du salon de lecture. Il était ivre et ne se tenait plus sur ses jambes. Il entra dans la salle de danse, vint s'asseoir près de l'orchestre, et s'endormit au son de la musique, puis il pencha tristement la tête et se mit à ronfler. « Ne jouez pas !» crièrent les chefs en faisant au musicien signe de cesser. « Tss ! Yegor Nilitch dort !»« Voulez-vous que je vous reconduise chez vous, Yegor Nilitch ?» demanda Balabouchine en se penchant à l'oreille du millionnaire. Pour toute réponse, Piatigorov fit un mouvement avec les lèvres comme pour chasser une mouche de sa joue. « Voulez-vous que je vous reconduise chez vous ?» répéta Balabouchine. « Ou bien que je vous fasse donner votre voiture ?»« Hein ? Quoi ? Toi ? Qu'est-ce que tu veux ?»« Vous reconduire chez vous ? Il est temps de faire dodo. »« Je veux... à la maison. Reconduis. » Balabouchine rayonna de joie et se mit à relever Piatigorov. Les autres lecteurs s'empressèrent d'accourir à son aide, soulevèrent le citoyen honorable avec un aimable sourire et le conduisirent doucement jusqu'à sa voiture. Il n'y a qu'un artiste de grand talent qui puisse jouer un tour semblable, dit Gestiakov en le faisant asseoir dans son équipage. J'en suis encore tout épaté, j'en ris encore. Oh, oh. Et nous, de nous fâcher, de courir de tous côtés. Oh, oh, oh. Tenez, que vous le croyez ou non, je n'ai jamais tant ri de ma vie. Ma parole, pas même au théâtre. Quelle infinité de comisme. Je me rappellerai toute ma vie cette inoubliable soirée. Quand ils eurent reconduit Piatigorov, les lecteurs redevinrent calmes et gais. « Il m'a serré la main en prenant congé, » dit Gestiakov d'un air très content. « Cela veut dire qu'il n'est pas fâché. »« Je le souhaite de tout mon cœur, » dit Evstrat Spiridonitch en soupirant. « Il est mauvais sujet, c'est vrai, mais il est aussi un bienfaiteur. On ne doit pas. » Ainsi s'achève Le Masque par Anton Tchekhov.